La Biffe et l'Homme, par Gottfried Keller. Par une triste journée de novembre, un ouvrier tailleur se dirigeait du côté de Goldach, riche petite ville, éloignée de quelques lieues seulement de Seldwyla. Le pauvre tailleur n'avait que son dé pour toute monnaie, et comme le froid le forçait à mettre les mains dans ses poches, il ne cessait de le faire tourner entre ses doigts en manière de passe-temps. Le maître qu'il venait de quitter, à Seldwyla, avait fait faillite et ne lui avait pas payé un kreutzer sur ce qu'il lui devait. Le pauvre ouvrier allait donc chercher fortune ailleurs. En guise de déjeuner, il n'avait encore avalé que quelques flocons de neige que le vent lui avait jetés à la figure, et il n'avait pas la plus petite notion d'où lui viendrait son dîner. Quant à faire la ronde en mendiant de maison en maison, selon l'usage de ses camarades, il ne pouvait pas y songer à cause de son costume. Il portait en effet son habit noir du dimanche, le seul qu'il possédât, et un manteau très ample, tout d'une pièce, doublé et orné de velours, qui lui donnait un air chevaleresque très marqué, d'autant plus marqué que sa physionomie s'y prêtait. Ses longs cheveux noirs et sa petite moustache étaient fort soignés, et il jouissait de l'avantage d'une figure pâle au très régulier. C'était pour son plaisir qu'il s'habillait ainsi, sans la moindre intention de tromper le monde. Il n'avait pas d'ambition. Il ne songeait qu'à aller tranquillement son petit chemin en travaillant et en gagnant son pain. Mais il aurait préféré périr de faim plutôt que de se séparer de ce manteau grand pli ou de ce bonnet fourré à la manière polonaise qu'il ne portait pas avec moins de dignité. Ainsi vêtu, il ne pouvait guère travailler que dans les grandes villes où la singularité frappe moins. Et quand par hasard il était en voyage, sans avoir le gousset garni, il se trouvait dans le plus grand embarras. S'approchait-il d'une maison, il excitait la curiosité générale. Mais on s'attendait à toute sa part, sauf à le voir mendier. Il le sentait et ne demandait pas. Les mots pour demander lui restaient au gosier. Plus d'une fois, il fut ainsi le martyr de son manteau et de son bonnet, se résignant pour eux aux plus dures privations et se consolant en gardant cette belle doublure de velours noir. Comme il suivait, soucieux, la route montante, il fut atteint par une voiture. C'était une berline de voyage, toute neuve, qu'un grand seigneur en séjour en Suisse avait fait venir de Bâle. Quoique vide, elle semblait pesamment chargée. Le cocher montait à pied, à côté des chevaux. Il noua conversation avec le tailleur, et devina bientôt que le personnage qui s'enveloppait dans ce manteau doublé de velours était de ceux qui luttent dans le monde contre plus d'une difficulté. Arrivé au haut de la montée, le cocher, voyant que la pluie commençait à tomber, eut pitié du pauvre piéton et lui offrit une place dans l'intérieur. Le tailleur accepta avec reconnaissance et monta timidement dans la voiture qui partit au grand galop et atteignit Goldach au bout d'une petite heure. Elle passa avec fracas la porte de la ville et s'arrêta devant le premier hôtel, la Balance. Avant même qu'elle fût arrêtée, le portier tira la sonnette si fort qu'elle en fut presque arrachée. L'aubergiste, suivi de son monde, s'élança vers la portière et l'ouvrit cérémonieusement, pendant que les enfants et les voisins, accourus de 100 pas à la ronde, faisaient galerie alentour, curieux de voir quelle perle sortirait d'une si belle boîte. Le beau et pâle tailleur descendit, enveloppé de son manteau et baissant mélancoliquement les yeux, ce qui lui donna l'air d'un prince mystérieux. L'espace entre la voiture et la porte de l'hôtel était fort étroit, et des deux côtés garnis de curieux. On ne sait si le tailleur manqua de présence d'esprit ou de courage pour percer la foule. Quoi qu'il en soit, il est certain que, sans le vouloir, il se laissa conduire dans l'hôtel, monta l'escalier et ne se rendit compte de la situation que lorsqu'il fut arrivé à la salle à manger où on lui ôta son manteau avec force révérence. « Monsieur désire dîner ? On va servir à l'instant. » Sans attendre une réponse, l'aubergiste de la Balance courut à la cuisine. « De par tous les diables » s'écria-t-il. « Voilà que nous n'avons que du bœuf et du rôti de chevreuil. Je ne puis attaquer le pâté qui est destiné à nos messieurs du soir. Faut-il avoir du guignon pour qu'il vous arrive un autre pareil le seul jour où l'on n'attend personne et où l'on néglige de se pourvoir? Le cocher a des armoiries sur tous les boutons et la voiture est celle d'un duc. Et le jeune homme, il desserre à peine les dents tant il est fier. » La cuisinière, heureusement, n'était pas femme à se troubler pour si peu. « À quoi bon se lamenter, monsieur ? Servez-lui le pâté au faisan. Il n'en mangera jamais que pour un. Nous servirons le reste à nos messieurs à la carte. Je vous garantis que j'en ferai encore 6 portions. Vous oubliez que nos messieurs sont habitués à manger à leur faim. Voilà de quoi bien se tourmenter. Je vous dis qu'ils mangeront à leur faim. On fait vite chercher 6 côtelettes. Il nous en faut pour l'étranger. Le reste se hache et passe comme faisant. Vous n'avez qu'à me laisser faire. Je m'y connais. » Mais le brave aubergiste répondit avec dignité. « Cuisinière, je vous ai déjà dit que de pareils procédés ne sont admis ni dans notre maison ni dans notre ville. On vit solidement à Goldar, parce qu'on a les moyens. » « Connu !» s'écria la cuisinière piquée. « Alors si on ne sait pas se tirer d'affaire, on sacrifie quelque chose. Je viens d'acheter 2 bécasses. On pourra les ajouter à ce qui restera du pâté. Nos gourmets ne se plaindront pas du mélange. Il y a aussi des truites. J'ai mis bouillir la plus grande en voyant arriver la berline. Voilà donc, poisson, bœuf, légumes, côtelettes, rôties de chevreuil et pâté. Que peut-il demander de plus? Donnez seulement les clés qu'on puisse sortir le dessert. » « Ce n'est pas trop commode qu'on soit toujours obligé de vous courir après pour les avoir. Vous feriez mieux de nous les confier, monsieur, en toute honnêteté, au lieu de nous mettre dans l'embarras comme il arrive à chaque instant. Je vous ai déjà dit, ma toute belle, que vous ne devez pas le prendre en mal. J'ai dû promettre à ma chère défunte, à son lit de mort, de garder les clés dans mes mains. Je le fais par principe, non par méfiance. Voilà tout ce qu'il vous faut, cornichons, cerises, poires, abricots. Ne donnez pas ce vieux dessert. » Envoyez Lise chez le pâtissier acheter 3 assiettes de petits bonbons. Une bonne tourte ferait aussi notre affaire. Tout cela pour une seule personne. Vous ne vous en tirerez pas, monsieur, vous ne vous en tirerez pas. C'est égal, nous le faisons pour l'honneur. Si un grand seigneur passe par notre ville, il faut qu'il puisse dire qu'il a trouvé à bien dîner, même en hiver et sans être attendu. Je ne veux pas qu'on parle de ma maison comme des aubergistes de cette villa dont on dit qu'ils mangent tout ce qu'ils ont de bon et servent le reste aux étrangers. Ainsi donc, dépêchez-vous et faites de votre mieux. » Pendant que l'aubergiste et sa cuisinière se préparaient à le bien servir, le tailleur était dans une angoisse indescriptible. La table se couvrait devant lui, et malgré la faim qui le dévorait, il ne souhaitait rien plus que de voir ce dîner s'évanouir. Il prit enfin courage, mit son manteau et son bonnet et sortit de la salle. Mais dans son embarras, il ne sut pas tout de suite trouver l'escalier. « Par ici, monsieur, par ici !» s'écria un sommelier en lui montrant une porte au fond du corridor. Le tailleur n'eut pas le courage d'avouer qu'il cherchait l'escalier. Il suivit la direction indiquée et disparut derrière à la porte du fond. Oh, que la liberté de la grande route lui parut une belle chose, malgré la neige et le froid. Cependant, l'aubergiste l'avait vu passer en manteau. « Anna, Lise, où êtes-vous? Apportez du bois et des copeaux, on gèle dans cette salle. Dira-t-on que les gens se mettent à table en manteau à l'hôtel de la Balance ?» Le tailleur entra comme il était sorti, ne sachant quelle figure faire, et s'enfermant dans un silence d'autant plus majestueux que l'aubergiste était plus empressé à l'accompagner et à le poursuivre, tout en se frottant les mains de ses compliments et de ses révérences. Le sommelier approcha une chaise et le pria de s'asseoir. Il s'assit en effet machinalement. L'odeur d'une soupe, comme il n'en avait pas senti depuis longtemps, acheva de lui ôter l'usage de la volonté. Machinalement, il prit la pesante cuillère d'argent et la plongea dans le bouillon d'un beau brun clair. Petit à petit, il sentit se ranimer ses esprits. Mais il n'en devint pas plus communicatif, et le service continua à se faire avec une silencieuse gravité, comme il convenait pour un si haut personnage. L'assiette vide, l'aubergiste l'encouragea à en prendre une seconde, disant que le potage était une fort bonne chose par un temps de neige, comme il faisait. Le tailleur ne se le fit pas dire 2 fois. Puis vint la truite entourée de verdure. On lui en servit un fort beau morceau. Il le regarda un moment, puis n'osant se servir du couteau, il se mit à travailler timidement de la fourchette. Pendant ce temps, la cuisinière, poussé par le démon de la curiosité, épié par la porte entrebâillée, le grand seigneur conservait si bien. « En voilà un qui sait manger le poisson, » dit-elle à une fille de chambre qui regardait par-dessus son épaule. « Il n'avale pas tout à la fois, et ne brandit pas son couteau comme pour tuer un veau. C'est un fils de grande maison, et qui connaît les morceaux délicats, c'est moi qui vous le dis. Sans compter qu'il est beau. Dommage qu'il soit si triste. Il est amoureux, je parie, et... on ne peut pas lui accorder celle qu'il aime. Ah, les riches, ils ont aussi leur misère. » L'aubergiste, de son côté, faisait la réflexion que son hôte ne buvait pas. « Monsieur ne trouve pas le vin de table à son gré ?» dit-il du ton le plus respectueux. « Monsieur désire-t-il un verre de bon Bordeaux ? J'en ai que je puis recommander en sûreté de conscience. » Ici, le tailleur commit une nouvelle faute, ce qui prouve bien qu'une faiblesse en entraîne une autre. Il dit oui, au lieu de dire non. Aussitôt, l'aubergiste se rendit en personne à la cave pour choisir la plus fine bouteille. Le vin fut versé, mais le pauvre tailleur osait à peine y tremper ses lèvres. Il n'en prenait qu'à toute petite gorgée qu'il savourait longtemps, comme s'il avait peur de les avaler. Ce que l'aubergiste ayant observé, il courut, plein de joie, à la cuisine. Disons que c'était plaisir de voir son vin apprécié de la sorte. « Je vous le disais bien qu'il connaît les bonnes choses, » répondit la cuisinière. Le dîner suivit son cours, lentement, le tailleur toujours embarrassé, n'osant toucher au mets, et l'aubergiste trouvant impoli de desservir trop promptement. On approchait de la fin, et quoique l'appétit ne lui manquât pas, le tailleur avait à peine mangé. Mais quand il vit le pâté, il se fit une révolution dans son esprit. « Les choses sont maintenant comme elles sont, » se dit-il après avoir encore une fois tâté de ce fin Bordeaux. « Je serais bien fou de laisser échapper tout le dîner. Cette petite tour qu'on vient de m'apporter pourrait bien être la fin. Mordons-y ferme, advienne que pourra. Ce que j'aurai dans le corps, on ne me le reprendra pas. » Ce qui fut dit fut fait. Avec le courage du désespoir, il attaqua le pâté, et fit si bien qu'en fort peu de temps il en eut englouti la bonne moitié. Les portions des messieurs du soir étaient gravement compromises. Chair, truffes, boulettes, fonds, couvercles, tout disparaissait sans distinction. Ils travaillaient de la fourchette comme les faneurs et les faneuses travaillaient de leur grande fourche quand l'orage menace et qu'il faut mettre le foin à couvert. La bouteille aussi se vidait rapidement par longues et copieuses gorgées. Un demi-verre y passait en une fois. « Il mange tout le pâté !» s'écria l'aubergiste en courant à la cuisine. « Tant mieux pour lui !» répondit la cuisinière. « Je vous le disais bien qu'il connaît les bons morceaux. Il sait apprécier les faisans. Un homme ordinaire s'en fût tenu au rôti. »« C'est bien mon avis !» repartit l'aubergiste. « Mais je ne puis pas dire que ce soit élégant. Du temps que je voyageais pour mon instruction, je n'ai vu manger ainsi que des généraux et des chanoines. » Cependant, le cocher avait fini de dîner en bas à la chambre à boire, et comme il était pressé, il fit atteler. Les gens de l'hôtel trouvèrent que c'était le moment de lui demander qui était son maître. Le cocher, qui était un rusé compère, demanda s'il ne l'avait pas dit lui-même. On lui dit que non. « Ah, cela ne m'étonne pas. Il ne dit pas beaucoup de paroles d'un jour. C'est le comte de Strapinski. Il restera aujourd'hui, peut-être même quelques jours, car il m'ordonnait de rentrer sans lui avec la voiture. » Si le cocher se permit cette mauvaise plaisanterie, ce fut pour se venger de ce que, au lieu de le remercier, le tailleur était entré fièrement dans la maison pour jouer au grand seigneur. Il poussa même la plaisanterie jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne demanda pas son compte, mais s'élança sur son siège et partit, ce qui, du reste, fut jugé dans les règles. Il se trouva, chose fort singulière, que le tailleur, natif de la Silésie, s'appelait en effet Strapinski Wenzel Strapinski. Était-ce un hasard, ou le tailleur avait-il oublié son livret dans la voiture? Peu importe, l'aubergiste n'en remonta pas moins rayonnant et se frottant les mains plus que jamais. « Monsieur le comte prendra-t-il pour le dessert un verre de vieux toquet ou un verre de champagne? Je fais préparer des chambres pour monsieur. » Ceci fit de nouveau pâlir Strapinski qui ne répondit rien du tout. « Qui ne dit mot consent, dit le proverbe. » Ainsi en jugea l'aubergiste. Il courut nouveau à la cave et sortit de leur compartiment respectif d'abord une bouteille de vieux toquet, puis une bouteille de vin du Rhin et pour toutes les éventualités une bouteille de champagne. Bientôt Strapinski vit se dresser devant lui une forêt de verres, du milieu de laquelle s'élançait, comme un peuplier au-dessus des arbres vulgaires, celui qui était destiné au champagne. Cela brillait, cela sonnait, cela sentait étonnamment bon. Bref, le pauvre tailleur insinua adroitement sa main dans la masse et débuta par un verre de champagne dont le goût fut relevé par une tombée de toquet. Sur ces entrefaites arrivèrent le greffier et le notaire pour prendre le café noir et faire leur partie habituelle. Peu de temps après, ce fut le fils aîné de la maison Eberlin et compagnie, puis le fils cadet de la maison Puchli-Nivergeld, enfin le teneur de livres d'une grande filature, M. Melchior Burney. Mais au lieu de jouer leur partie, ces messieurs se mirent à se promener, les mains dans les poches, clignant des yeux, souriant et décrivant de grands cercles autour du comte polonais. C'étaient tous des fils de bonne maison, qui n'étaient jamais sortis, mais qui avaient des parents dans toutes les parties du monde. Ils croyaient, pour cette raison, le connaître suffisamment. « Ce doit être un comte polonais, » se disaient-ils en le regardant de côté. Ils avaient bien vu, assis à leur comptoir, passer sa voiture. Mais pour le quart d'heure, on ne savait trop si c'était l'aubergiste qui servait le comte ou le comte qui servait l'aubergiste. Peut-être se serait-il méfié, s'il n'avait pas eu pour caution la réputation de l'aubergiste, qui passait pour un rusé compère et à qui il était rarement arrivé de prendre Bessie pour lanterne. Le cercle que décrivaient ces messieurs devint de plus en plus petit, puis ils s'assirent familièrement à la même table et jetèrent les dés pour une bouteille. Ils furent du reste très sobres, selon leurs principes, au milieu du jour. Ils se bornèrent à savourer une tasse de café exquis tout en offrant au Polak, comme il l'appelait déjà familièrement, des cigares non moins exquis, pour qu'il sentît mieux encore où il avait l'avantage de se trouver. Puis j'offris à monsieur le comte un cigare passable, et il me vient directement de mon frère à Cuba. Messieurs les Polonais aiment aussi une bonne cigarette. Voici un vrai tabac de Smyrne. C'est mon associé qui me l'a envoyé, dit un autre en présentant une jolie petite blague à tabac en soie rouge. En voici qui vient de Damas, qui est plus fin encore, s'écria un troisième. Le quatrième tendit un gros cigare difforme. Si vous voulez quelque chose de tout à fait distingué, essayez ce cigare des planteurs de la Virginie, fait par eux-mêmes avec leur propre tabac. On n'a pas ça dans le commerce. Strapinski leur distribuait en réponse ses plus aimables sourires. Bientôt il fut enveloppé de légers nuages qu'un rayon de soleil argentait agréablement. Le ciel se découvrit peu à peu, et à la froide matinée succéda un bel après-dîner. Ce que voyant, ces messieurs trouvèrent qu'il fallait jouir de l'heure présente, vu que l'année pourrait bien ne plus en offrir beaucoup de pareils. Il fut donc décidé qu'on irait chez un ami, le président de la ville, qui était à la campagne et venait d'y diriger la vendange. On goûterait son vin nouveau. Le fils de la maison Puchli-Nivergeld fit chercher son char de chasse, et bientôt on entendit retentir sur le pavé, devant la balance, le pas de ses deux jeunes chevaux couleur de fer. L'aubergiste aussi fit atteler, et la compagnie invita le comte à se joindre à elle pour voir un peu la contrée. Le vin l'ayant dégourdi, notre tailleur fit la réflexion qu'il lui serait facile, une fois dehors, de s'esquiver à un moment donné pour continuer son chemin. Il accepta donc et monta avec le fils Puchli dans le char de chasse. Le hasard avait voulu que le comte Strapinski fît son temps de service militaire dans la cavalerie. Il savait donc manier les chevaux. Aussi, lorsque M. Puchli lui demanda poliment s'il désirait conduire, il saisit les rênes et le fouet et se lança au grand trot dans la rue pavée. Sa tenue était si correcte que ces messieurs furent de plus en plus convaincus qu'ils avaient affaire à un grand seigneur. En moins d'une demi-heure, on fut chez le président. Strapinski arriva au galop en décrivant un demi-cercle irréprochable. On sauta de la voiture. Le président souhaita la bienvenue à la société et la conduisit dans la maison. À l'instant, il y eut sur la table une demi-douzaine de flacons remplis de vin nouveau, couleur rose vif. On le goûta, on le loua, et l'on en fit une assez belle consommation. Le bruit d'ailleurs se répandit bientôt dans la maison qu'il y avait là un hôte distingué, un comte, et qu'il fallait servir avec toute la recherche possible. La société se partagea en deux camps, et l'on reprit la partie abandonnée à l'hôtel. C'est l'habitude, dans ce pays-là, que quelques hommes ne peuvent pas être ensemble sans jouer. On veut que ce soit l'effet d'une activité naturelle qui, jusque dans le divertissement, leur fait fuir le repos. Strapinski, qui pour plusieurs raisons refusa d'y prendre part, fut invité à faire galerie. Il leur semblait qu'il en valait bien la peine, tant ils avaient une haute idée de leur sagacité et de leur savoir-faire. Le tailleur s'assit donc entre les deux parties, qui, tout en jouant, l'entretenaient de leur mieux. On eût dit un prince malade, devant lequel les courtisans exécutent une comédie pour le distraire. Il lui expliquait les coups les plus habiles, et si par hasard une des parties était pour le moment entièrement absorbée par le jeu, l'autre prenait d'autant plus de peine pour ne pas laisser tomber l'entretien. On causa surtout chasse et chevaux. Strapinski ne s'en tira point mal. Les conversations des officiers de son régiment, qui ne roulaient guère sur d'autres sujets, lui revinrent très à propos en mémoire pour lui fournir quelques termes du métier. Il s'en servit sans avoir l'air d'y attacher de l'importance, ce qui lui réussit à merveille. Quelques-uns de ces messieurs s'étant levés, ils ne purent s'empêcher de se dire l'un à l'autre que le comte était un parfait gentilhomme. Seul Melchior Bunny, le teneur de livre, né sceptique sans doute, se frottait les mains avec un malin plaisir. « Je vois venir, se disait-il, que nous aurons une nouvelle histoire comique à Goldar. Il en était bien temps. Voilà 2 ans qu'on n'a pas ri. Il y a de singuliers doigts, cet homme-là, des doigts piqués. Mais bon, laissons venir les choses et gardons-nous d'y rien déranger. » Les deux parties étaient terminées et la première soif apaisée. On passa du vin nouveau au vin vieux pour se rafraîchir. Le rafraîchissement ne laissa pas d'être vif, car de peur de tomber dans l'oisiveté, on proposa un jeu de hasard général. On mêla les cartes, puis chacun jeta un écu de Brabant sur la table. « Je n'ai pas de cette monnaie, » dit en rougissant Strapinski, qui ne pouvait pas mettre son dé pour enjeu. Mais Melchior Bunny, qui l'observait, avait déjà mis un enjeu pour lui. Ils étaient bien trop riches pour songer que quelqu'un pût se trouver sans argent. Au premier tour, le tailleur gagna, et on poussa devant lui tous les enjeux, ce qui le mit dans un grand embarras. Il n'osait toucher à cet argent. Melchior Bunny fit le jeu pour lui. Ce fut un autre qui gagna le second tour, un autre encore le troisième, puis le quatrième et le cinquième furent de nouveau pour le comte polonais, qui commençait à se réveiller et à trouver la chose de son goût. Toujours tranquille, il joua avec assez de bonheur. Une fois, il perdit jusqu'à l'écu de Melchior Bunny, qu'il lui avançait de nouveau comme enjeu. Mais lorsqu'on cessa, il avait quelques pièces d'or, plus qu'il n'avait jamais possédé de sa vie. Voyant que chacun en pochait, il en fit autant, non sans craindre que ce fût un rêve. « Comment diable celui-là va-t-il à 4 chevaux ?» se disait Bunny, qui continuait à l'observer et qui déjà n'avait plus de doute. Mais comme le prétendu comte n'avait rien dans ses allures qui l'offusqua, qu'il avait été sobre, modeste, tranquille, ne s'était point montré avide, Bunny ne jugea pas à propos de faire pour le démasquer. Avant le souper, on prit l'air un moment. Strapinski trouva le moment favorable pour s'éclipser. Il avait un joli denier en poche et le comte envoya l'aubergiste de la balance, de sa première étape, le montant du dîner qu'il lui avait imposé. Il se drapa dans son manteau, enfonça son bonnet et se promena sous les hauts acacias, admirant la contrée, ou plutôt cherchant à découvrir la route qu'il devait prendre. Il avait fort bonne façon avec son front un peu soucieux, sa petite moustache qui lui donnait un air mélancolique, ses yeux foncés et ses belles boucles noires. Le manteau flottant n'y gâtait rien. C'était un portrait accompli, dont l'effet était encore rehaussé par la lumière du soleil couchant et le mouvement des arbres. La société le regardait avec complaisance, à mesure qu'il s'éloignait de la maison sous prétexte de voir les jardins. Arrivé vers un buisson, derrière lequel passait un chemin, il se crut hors de portée et se lança dans la campagne d'un pas résolu. Tout à coup, le buisson tournait, et il se trouva en face du président et de sa fille Nanette, qui était une fort jolie demoiselle, très élégante, un peu provinciale et chargée de bijoux. « Nous vous cherchons, monsieur le comte, » s'écria le président. « Je voulais vous présenter ma fille et vous prier de nous faire l'honneur de souper avec nous. Ces messieurs se mettent à table. » Le fugitif ôta son bonnet et fit de timides et profondes révérences en rougissant jusqu'au blanc des yeux. Les événements prenaient un tour nouveau. Une demoiselle apparaissait sur la scène. La timidité de Strapinski et ses respects presque exagérés ne lui nuisirent en aucune façon auprès de la jeune fille. Elle en fut flattée, au contraire, de la part d'un si haut personnage. Il se dit à elle-même que c'était une preuve de plus de ce qu'elle avait toujours entendu dire, que plus les gens étaient de haut parage, plus ils étaient simples, modestes et honnêtes. Avis aux jeunes messieurs de Goldach, qui portent à peine la main à leur chapeau quand passe une demoiselle. Elle salua donc le beau comte de la manière la plus agréable, non sans rougir un peu de son côté, et se mit à lui parler de toutes sortes de choses comme font les gens des petites villes qui veulent se faire valoir devant un étranger. Strapinski fut bientôt transformé. Jusqu'alors, il n'avait rien fait pour entrer dans le rôle qu'on lui avait en quelque sorte imposé. Il y entra dès cet instant et se mit à parler d'une manière recherchée avec des lambeaux de polonais. Le sang du tailleur se réchauffait dans le voisinage de la jeune dame. Il eut à table la place d'honneur à côté de la fille de la maison. La mère était morte. Mais son bonheur fut bientôt troublé par l'idée qu'il serait obligé de rentrer en ville avec ces messieurs, à moins de prendre la fuite par la nuit noire. Néanmoins, il lui restait la consolation de penser qu'une fois dans sa vie, il avait fait figure dans le monde, assis auprès d'une femme d'un rang aussi supérieur. Ce n'était pas peu de chance, en effet, pour le tailleur, que de voir briller à côté de soi une main qui faisait sonner trois ou quatre bracelets en or, de jeter à chaque instant des regards furtifs sur une tête coiffée et frisée aussi élégamment, de surprendre de grands yeux qui s'ouvraient en plein pour le regarder, car quoi qu'il fît, tout fut trouvé remarquable, distingué, et ses maladresses elles-mêmes passèrent aux yeux de la jeune fille, ordinairement plus sévère, pour d'honnêtes et agréables familiarités. Comme tout le monde était de fort bonne humeur, on se mit à chanter. Le comte fut prié de chanter un air polonais. Le vin aidant, il surmonta sa timidité et se rappela fort à propos une chanson qu'il avait apprise dans le temps où il travaillait en Pologne, quelques semaines seulement. Chanson dont, heureusement pour lui et pour ses compagnons de table, il ne savait absolument pas le sens. Il chanta donc avec noblesse, plutôt timidement, et d'une voix qui paraissait trembler d'une secrète émotion. Des bravos éclatèrent de tous côtés dès qu'il eut terminé. « Les chansons nationales sont si belles !» dit Nanette d'un air senti. D'ailleurs, personne n'eut l'idée de demander la traduction. La société se leva, et le tailleur ne sut faire autre chose que de se laisser embarquer de nouveau pour Goldach. Avant de partir, il dut promettre qu'il ne s'en irait pas sans venir prendre congé. À l'hôtel de la Balance, on prit encore un verre de punch pour se réconforter, mais Strapinski, qui se sentait fatigué, demanda sa chambre. L'aubergiste l'y conduisit lui-même. Strapinski, habitué à loger dans de misérables mansardes, n'en remarqua pas même le confort. Il était là, planté sur un magnifique tapis, n'ayant que ce qu'il portait sur lui. L'aubergiste fit tout à coup la même remarque. Il courut dehors, il appela les sommeliers et le portier, les insulta, et revint en se frappant le front. C'est comme cela, monsieur le comte, on a oublié de décharger vos bagages. Tout manque, même le strict nécessaire. Le petit paquet aussi qui était dans la voiture ? Demanda Strapinski, en songeant à un paquet gros comme la main, qui contenait un mouchoir de poche, une brosse à cheveux, un peigne, un pot à pommade et un bâton de cosmétique pour la moustache. Cela aussi, il n'y a rien du tout, dit le brave aubergiste, de plus en plus épouvanté et convaincu que le paquet contenait des objets de valeur ou des papiers importants. « Mais soyez tranquille, j'enverrai un express. »« Non, » riposta le comte vivement, « non, cela ne se peut pas. » L'aubergiste ouvrait de grands yeux. « Il faut, » reprit le comte, étonné lui-même de se trouver tant d'esprit, « il faut qu'on perde mes traces pendant quelque temps. » L'aubergiste retourna vers ses hôtes encore réunis autour du punch. Il leur raconta mystérieusement que le comte était sans doute un exilé politique. Strapinski dormit d'un bon sommeil. En se réveillant, le lendemain, fort tard, il vit près de son lit, posée sur une chaise, la superbe robe de chambre de l'aubergiste. Sur une petite table, à côté, tous les engins possibles de toilette. Plusieurs domestiques attendaient avec des corbeilles ou des valises, apportant du linge fin, des vêtements, des cigares, des livres, des bottes, des pantoufles, des éperons, des cravaches, des fourrures, des bonnets, des chapeaux, des chaussures, des bas, des pipes, voire des flûtes et des violons, de la part des amis de la veille, avec prière de bien vouloir se servir à discrétion. Il faisait dire en outre à monsieur le comte que leurs occupations les retenaient pendant la matinée, mais qu'ils viendraient faire leur visite après dîner. Or, ces gens-là n'étaient point du tout des gens bornés, bien au contraire, c'étaient des commerçants fort capables et beaucoup plus rusés que bornés. Mais elle était petite, la bienheureuse ville de Goldar, et quelquefois on y souffrait de l'ennui. On se jetait alors avec passion sur le moindre événement capable de faire diversion à la monotonie de l'existence. La voiture à quatre chevaux, l'étranger qui en était descendu, son dîner, les renseignements donnés par le cocher, étaient d'ailleurs autant de faits si indubitables que les habitants de Goldar, qui n'avaient pas coutume de perdre leur temps pour des niaiseries, bâtirent là-dessus comme sur un rocher. Lorsque Strapinski vit ce bazar étalé devant lui, son premier mouvement fut de mettre la main dans sa poche pour savoir si tout cela, y compris les événements de la veille, n'était qu'un rêve. Si le dé était encore solitaire dans sa poche, évidemment il avait rêvé. Mais il trouva le dé mêlé à l'argent qu'il avait gagné et se frottant amicalement à ses écus. Le maître se résigna donc à son sort et, sitôt habillé, il descendit dans la rue. Il voulait voir d'un peu plus près la ville où il avait eu ce bonheur. La cuisinière était sur sa porte lorsqu'il passa. Elle lui fit une profonde révérence et le suivit des yeux avec une admiration visible. Au vestibule et à la porte de la maison se trouvèrent d'autres personnes, toutes le bonnet à la main. Strapinski sortit avec dignité, modestement toutefois, et ramenant sur son épaule le pan de son manteau. Le destin le grandissait à chaque minute. Il considéra la ville avec de tout autres yeux qu'il l'aurait fait s'il y avait cherché de l'ouvrage. Les maisons, pour la plupart, étaient spacieuses et belles, bien bâties, tout ornées d'écussons en pierre ou de peinture. Chacune avait un nom. Ces noms exprimaient à leur manière les mœurs du siècle où elles avaient été bâties. Le Moyen-Âge se peignait dans les noms des plus anciennes ou de celles plus modernes qui, en les remplaçant, avaient hérité de leurs vieux noms. Tant fabuleux et belliqueux, les maisons s'appelaient alors Zumschwert, c'est-à-dire à l'épée, ou bien au casque de fer, à l'écusson bleu, à l'épée suisse, au chevalier, à la pierre à fusil, au turc, à la merveille de la mer, au dragon d'or, au tilleul, au bâton du pèlerin, à la nymphe, à l'oiseau du paradis, au grenadier, etc. Le siècle des Lumières et de la philosophie se reconnaissait au nom de toutes sortes de vertus écrites en lettres d'or au-dessus des portes. C'était la concorde, l'honnêteté, la vieille indépendance, la nouvelle indépendance, la vertu bourgeoise, la confiance, l'amour, l'espérance, la revoyance, la gaieté, l'honnêteté intérieure, l'honnêteté extérieure, le bien du pays, etc. La maison qui portait ce dernier nom était des plus proprettes. On y voyait derrière une cage de canaries, toute garnie de cressons, une petite vieille coiffée d'un bonnet blanc immaculé, laquelle dévidait du coton. Une autre s'appelait à la Constitution. Un tonnelier y demeurait, faisant grand tapage à coups de marteau sur les cercles de ses tonneaux. Enfin, il y en avait une qui portait un nom lugubre, à la mort. Un squelette se dressait de toute sa hauteur entre les fenêtres. C'était le domicile de monsieur le juge de paix. À la Patience, Zur Geduld, demeurait le procureur, pauvre et triste maison, image de la misère, car on affirme que dans cette bienheureuse ville, personne ne devait à son prochain. Les maisons les plus modernes respiraient la poésie des fabricants, des banquiers et autres espèces semblables. Elles portaient des noms agréables à l'oreille, à la vallée des roses, Rosenthal, à la vallée du matin, à la montagne du soleil, à la violette, au jardin de la jeunesse, à la montagne du plaisir, aux camélias, à la vallée d'Henriette, etc. Aux yeux des habiles, ce dernier nom et d'autres pareils étaient des enseignes de belles dotes. À chaque coin de rue, il y avait une tour avec une belle horloge, un beau toit peint, reluisant et orné d'un petit drapeau doré en guise de girouette. Toutes ces tours étaient conservées avec soin, car les habitants de Goldar aimaient à jouir à la fois du passé et du présent, en quoi ils avaient grandement raison. Tout ce bien-être était encadré par un vieux mur de fortification fort inutile, mais que l'on conservait à titre d'ornement parce qu'il était tapissé de lierre et que toute l'année il entourait la ville d'une guirlande de verdure. Tout cela fit une singulière impression sur Strapinski. Il se croyait dans un autre monde et se persuadait que les noms des maisons se rapportaient à la manière dont on y vivait. Une fois lancé dans cette voie, son imagination ne s'arrêta pas de sitôt. L'idée lui vint que la réception qu'on lui avait faite était en quelque rapport avec l'enseigne de l'hôtel, Ce nom de balance n'indiquait-il pas que là devaient parfois s'égaliser les destinées des hommes et que d'un tailleur ambulant on y pouvait faire un compte? Sa promenade le conduisit jusqu'à la porte de la ville, d'où, voyant la campagne devant lui, il entendit encore une fois la voix intérieure qui le sommait de rentrer dans le vrai et de continuer son chemin. Il faisait bon soleil, la route était belle, ni boueuse ni poudreuse, invitant à la marche. Il avait de l'argent pour le voyage et rien ne pouvait l'empêcher d'aller de l'avant. Il était là, indécis, à la croisée de deux routes, comme le jeune homme devant sa première tentation. De la ville montaient les colonnes de fumées hospitalières. Les toits dorés des tourelles étincelaient parmi les arbres. Fumées et toits disaient « bonheur, dette, jouissance ». Du côté des champs apparaissaient d'autres images qui lui parlaient de travail, de renoncement, de pauvreté obscure, mais accompagnées de bonne conscience et de tranquillité d'esprit. Il le sentait et il allait, un homme bien décidé, tourner le dos aux séductions lorsqu'il entendit tout à coup le bruit d'une voiture. C'était la demoiselle de la veille, dont le voile bleu flottait au vent et qui, seule dans sa légère calèche, conduisait elle-même un cheval fringant. Strapinski porte à la main son bonnet et ne sut, dans sa surprise, faire autre chose que de le tenir humblement devant sa poitrine, pendant que la jeune fille s'inclinait en rougissant et, pleine de grâce et d'amabilité, passait devant lui en lançant son cheval au galop. Strapinski fit involontairement un demi-tour complet et reprit le chemin de la ville. Le même jour, on le vit à la tête d'une cavalcade sur un des meilleurs chevaux de Goldar, galoper dans la grande allée qui accompagnait le mur d'enceinte. Des feuilles jaunes tombaient en pluie d'or des vieux tilleuls et dansaient autour de sa tête comme une auréole.